dans ce grand château maudit, la lueur n'y entre pas. Des touristes qui s'aventurent indemnes, aucun ne sortira. Gaffe à ton hémoglobine, Dracula slèche les babines, seuls les pieux croix et gousses d'ail seront ton unique espoir. Est-ce donc les histoires des potins et des bobas, des infos, des canards, des romans ou séries noires? Est-ce donc les histoires des potins et des bobas, des infos, des canards, des romans ou séries noires? Chic, chic, ripavière, médias et commentaires, chic, chic, ripavière se répandent sur la terre. Y'a Riri, Fifi, Loulou, qui s'amusent comme des petits fous. Pendant que les drapes tout dansent le rap parmi nous. Donald Duck y est rappé, on pique sous à tout piquer. Il pourra peut-être voir Disney, qui saura bien rigoler. Est-ce donc des histoires? Des potins et des bobas, des infos, des canards, des romans ou séries noires. Est-ce donc des histoires, des potins et des bobas, des infos, des canards, des romans ou séries noires? Chic, chic, ripavière, médias et commentaires, chic, chic, ripavière se répand sur la terre. Des milliers de reporters sillonne toute notre terre. Tintin, lui, est très inquiet, l'Occident est en danger. Les cigares du pharaon empestent toutes les nations. Il écrit dans sa tribune, son article est à la une. Est-ce donc les histoires des potins et des bobas, des infos, des canards, des romans ou séries noires? Est-ce donc des histoires, des potins et des bobas, des infos, des canards, des romans ou séries noires? Chic, chic, ripavière, médias et commentaires, chic, chic, ripavière se répand sur la terre. Les deux cingles ont frappé, les deux tours sont effondrées. C'est le scoop de l'année que personne ne veut manquer. Toute la presse, elle est en piste, elle embauche des journalistes. Le monde, lui, est déchiré, Ben Laden porte le béret. Est-ce donc des histoires, des potins et des bobas, des infos, des canards, des romans ou séries noires? Est-ce donc des histoires, des potins et des bobas, des infos, des canards, des romans ou séries noires? Chic, chic, ripavière, médias et commentaires, chic, chic, ripavière se répand sur la terre. La vache folle, elle s'est taillée une bavette à la télé. Bidochon a bien aimé, d'OGM il s'est gavé. Son slip n'a pas tenu le coup, il a fallu qu'on le recouse. Aujourd'hui il est sauvé, mais il est tout balafré. Est-ce donc des histoires, des potins et des bobas, des infos, des canards, des romans ou séries noires? Est-ce donc des histoires, des potins et des bobas, des infos, des canards, des romans ou séries noires? Chic, chic, ripavière, médias et commentaires, chic, chic, ripavière se répand sur la terre. Santonio a enquêté, Berrurier a mal tourné. Il a muté vers le guet, il l'a donc emprisonné. Prends garde à toi, petit loupard, si tu loges dans ce litard, car s'il n'est pas enchaîné, ta cellule va exploser. Est-ce donc des histoires, des potins et des bobards, des infos, des canards, des romans ou c'est des noirs? Est-ce donc des histoires, des potins et des bobards, des infos, des canards, des romans ou c'est des noirs? Chiffre, chiffre, les pavières, médias et commentaires, chiffre, chiffre, les pavières se répandent sur la terre. Si tu tiens à ta tenue, ne traîne plus dans la rue. Les pigeons en chient à fond, t'es la cible de leur fion. Le trottoir il est crotté, les pitbulls y sont passés. Au JT, on a montré un enfer déchiqueté. Est-ce donc les histoires des potins et des bobards, des infos, des canards, des romans ou sérinois? Est-ce donc des histoires des potins et des bobards, des infos, des canards, des romans ou sérinois? Chiffre, chiffre, les pavières, médias et commentaires, chiffre, chiffre, les pavières atomisent notre terre.